Chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, profitez des rabais automnales. Louez le F-150 2019 à 99 $ par semaine ou encore le Ford Escape 2019 à 0% sur 72 mois. Jean Dumas Ford, 1711 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-1316. N'hésitez pas à devenir membre de notre page Facebook pour les différentes promotions. Jean Dumas Ford, là où l'expérience client est inégalée. Tout le personnel et la direction de Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini vous incite fortement à acheter localement pour préserver les emplois de chez nous. C'est le Challenge Banque Nationale qui débute aujourd'hui à Ville-Saguenay. C'est un challenge pas mal intéressant. On a vu par le passé plusieurs bonnes athlètes, dont Bianca Andreescu, passer à Ville-Saguenay. On en parle avec notre spécialiste Caroline Delay. Salut Caroline! Oui, bonjour. Caroline, je sais pas, mais je pense que le fait que Bianca Andreescu a connu beaucoup de succès, ça a donné, ça donne encore des ailes. Est-ce que je me trompe? Oui, effectivement. C'est certain que là, c'est ça. Hein, Bianca a tellement connu une belle année. Puis pour nous, ben, c'est bon aussi, hein, même pour notre challenger ici. Puis bon, on espère que pour elle, ça va se poursuivre, justement, au championnat du monde là, qui va avoir lieu justement en novembre. Oui, donc on a plein de bonnes joueuses ici, puis il y a d'autres bonnes Québécoises, d'autres bonnes Canadiennes. Fait qu'on espère là, que Bianca va ouvrir la porte à ces autres joueuses-là, là, effectivement. Qu'est-ce qu'il faut mentionner? Quels sont les athlètes à surveiller? Je devrais parler à Leila Annie et Fernandez cette semaine, mais est-ce qu'il y a d'autres? Je sais que Françoise Abanda est là aussi, hein? Oui, c'est ça. On a quand même quelques Québécoises, là, donc on est très, très heureux de ça. Puis bon, il y a beaucoup d'espoirs qui sont fondés sur Leila Annie Fernandez, qui a perdu justement en finale là, dans un tournoi au Texas en fin de semaine. Donc, elle arrive justement tout à l'heure, là, vers 10h40, à l'aéroport de Bagotville. Et puis, donc, c'est ça. Fait que, écoutez, elle va jouer en double, elle va jouer en simple. Fait qu'on espère là, que ça va bien aller pour elle. Et puis, c'est sûr que pour nous, ben, c'est important aussi d'avoir des Québécoises qui se rendent loin parce que ça peut nous attirer plus de spectateurs. Fait qu'on va souhaiter, là, c'est ça, qu'il y ait beaucoup de succès ici à Saguenay. Là. OK. Si on parlait maintenant des autres athlètes qui vont participer à l'événement. C'est qui la numéro un? Le sommet numéro un? Ben, il y a Francesca Di Lorenzo, là, qui vient des États-Unis, qui est 139e au monde. OK. Bon, il y a Bibiane Schuurs de Netherlands, qui est 154. Robin Anderson, une autre américaine, troisième favorite. Jessica Ponchet. Donc, c'est quand même quelques joueuses là, qui sont déjà venues ici au Saguenay, qu'on connaît. Mais écoutez, il y a plein d'autres jeunes joueuses aussi là, dans le tableau qu'on voit pratiquer depuis quelques jours là, qui sont, je pense, promues une très belle carrière. Fait qu'on a bien hâte de voir qu'est-ce que ça va nous réserver, mais on devrait avoir droit à du beau tennis là, tout au cours de la semaine. OK. Dis-moi que les gens qui veulent participer ou encore qui veulent aller voir ça, ça coûte combien? C'est ça. Écoutez, les passeports se vendent au coût de 40 $. Okay. Donc ça, c'est bon pour toute la semaine. Puis sinon, écoutez, c'est des séances là, genre de 5 $ à 10 $, à 15 $, à 20 $, tout dépendamment des journées. C'est sûr que ça s'en va toujours un petit peu en augmentant. Mais quelqu'un qui pense venir quand même plusieurs fois, ben c'est sont peut-être mieux justement de prendre le passeport au coût de 40 $ parce que ça revient quand même pas cher pour voir du très beau tennis. Puis c'est sûr ça dure toute la journée en plus. Hein. Il y a des matchs de jour, des matchs de soir. Fait que les gens peuvent pleinement en profiter. OK. Hey, dis-moi, Caroline, est-ce que tu as vu vraiment la victoire de Denis Shapovalov hier à l'ATP 250? C'est pas un gros tournoi, mais tu me corriges, je me trompe, mais c'est dans les petits tournois de main qu'on apprend à gagner. Hein? Oui, ben c'est certain. C'est sa première victoire donc sur le circuit là, ATP comme ça. Fait que je pense que ça va le mettre en confiance. Déjà qu'il jouait quand même du bon tennis depuis quelques temps. Donc, c'est en son honneur là, d'être allé chercher là, cette victoire-là. Là. Malheureusement, j'ai pas vu le match là, parce qu'on est quand même assez occupé avec notre challenger. Mais c'est ça, c'est bien. Puis il va augmenter au classement aussi. Là. Je crois qu'il Il est 27e ce matin. Le classement vient de sortir. Ouais. Là. 27e. Oui, donc c'est très bon. Puis c'est sûr qu'on a quand même plusieurs Canadiens hein, qui sont classés là, justement dans les top 30. Là, incluant Ali Hassim avec Bianca Andreescu, donc puis Raonic qui est pas très loin derrière, donc c'est super positif là, pour le tennis canadien. Effectivement. Caroline, on va te souhaiter la meilleure des chances, on se reparle très très prochainement, on va se parler la semaine prochaine pour faire le bilan de tout ça. OK, merci beaucoup. Notre amie Caroline Delay qui nous parlait du Challenge Banque Nationale.